Deutéronome 16, les fêtes de la joie. Tu institues des temps de mémoire. Tu fais titu des temps de mémoire. Des fêtes pour ne pas oublier la sortie d'Égypte, la délivrance, le désert et le pain partagé. La joie devient un commandement, pas un luxe réservé à quelques-uns. Car la reconnaissance réjouit le ciel quand le peuple se souvient d'où il vient. La joie protège la mémoire.